Curieusement, en faisant ma setlist, je me suis rendu compte que les trois chansons suivantes avaient comme titre les couleurs du drapeau belge. Et pourtant, je ne suis absolument pas royaliste. Pour commencer, Carnet noir. À nouveau, pas d'intro, juste le début de la formule mélodique, et j'enchaîne directement. Arabesque pianistique un peu volubile, j'aime cette compo. Elle pourrait être juste un morceau de piano. Les paroles de celle-ci, elles ont été inspirées par quelque chose que, fleur bleue, je garde précieusement sous mon oreiller. Des images de lui, encore et encore. Il y en a deux, en fait. Un avec des photos d'il y a longtemps, très longtemps. Un autre avec des clichés plus récents dont certains ont été pris par d'autres que mon photographe habituel. Quand j'ai le cafard, une des seules choses qui me console, c'est d'en effleurer la couverture et les spirales de la reliure. Cela me calme, me rassure un peu. Oui, je sais, c'est débile, mais on ne me changera plus. Si? Le bras sous l'oreiller, les doigts caressant gentiment les spirales de sa reliure, le cuir de sa couverture et mon esprit vagabonde. Tu sur chaque page, tantôt c'est l'obscur, tantôt c'est la lumière. Tu es entre chaque rêve, soit beaucoup trop doux, soit tendre, m'en fous. Tu es dans ma nuit noire, tantôt de lune, tantôt de plume. Tu es dans mes soupirs, presque silencieux, m'arrachant des cris. Oh oui. Cela s'échappe de mes doigts et de ma gorge, sans aucune retenue. Si tous ces auditeurs savaient que tout est vrai, que ces carnets sont bien là, que parfois je les serre contre moi, entre mes larmes et mes sourires. Que parfois aussi, après avoir pris du plaisir avec un autre, je pleure et sanglote comme une petite fille, me tourne vers l'oreiller, l'empoigne et ce qu'il y a dessous aussi, et je laisse épancher mes regrets, ce bonheur raté, cette expérience la plus difficile de ma vie, être amoureuse sans retour. Le cuir de sa couverture, je te rêve et tout s'emballe. Je te rêve, déshabille-moi et fais de moi ta chose. Je te rêve, regarde-moi, serre-moi si tu l'oses. Je te rêve, ne t'en va pas, nos mains se mêleraient ton corps. Je te rêve, ne m'échappe pas. Nos ventres se joindraient de plaisir, le bras sous l'oreiller, les doigts caressant gentiment les spirales de sa reliure, le cuir de sa couverture. C'est pas vraiment érotique tout ça, ou alors juste un peu? Au moment où j'ai écrit le texte, je trouvais ça excitant. Depuis, j'emploie des mots plus corsés. Certains préfèrent, d'autres ont pris l'habitude des choses moins crues. Ce que j'essaye de donner comme impression, c'est la légèreté du ton, de la musique. Alors que ce que je raconte, c'est grave. Les ignorances de l'être aimé, les fantasmes, les déceptions dans l'attente, et surtout toute cette patience dont je fais preuve et qui n'a aucun résultat tangible. Reste dans mes songes, ne me brusque pas. Sois juste exquis, que nos esprits puissent au moins eux se mélanger. C'est comme une empreinte effacée, je voudrais toujours conserver la fébrilité de mes doigts sur les pages magiques. De ce carnet noir, mon carnet noir, mon joli carnet noir, une note mélancolique pour terminer. Je me sens bien quand je parle de choses tristes. J'ai le sentiment que mes auditeurs seraient prêts à me consoler. C'est réconfortant. Et puis, je me suis rendu compte que cela ramène les gens à leur chagrin d'amour, que nous sommes reliés, complices, dans la tristesse. Au creux des draps, il ne m'a pas regardé me déshabiller. Moi, j'ai fait pareil. Je ne trouvais pas très honnête le fait de le mater au risque de le gêner, alors que moi, je suis bien trop pudique pour accepter que ses yeux fassent l'inventaire de toutes ces années qui nous séparent. D'habitude, il se fait des nymphettes qui n'ont pas beaucoup de forme. Et moi, je ne suis plus comme ça, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment été. À 16 ans, j'affichais un bonnet E bien rempli. Ma taille n'a jamais été fort marquée, et même si j'étais plutôt mince, je ne donnais pas une impression de fragilité ou de translucidité. Cette chanson qui parle de mes carnets noirs est vraiment évocatrice de mes songes, de mes fantasmes. Le soir au coucher, je plonge mes bras sous mon oreiller. Je retrouve mes deux carnets et cela me raccroche à lui, m'immergeant dans ma bulle de rêve entre ses bras. Et là, c'est enfin la réalité, j'étais contre lui, dans une bulle. Mais ce n'était pas un rêve. Il était doux, très tendre. Même s'il savait combien j'avais envie de lui, il n'en jouait pas. J'appréciais cette attitude remplie de respect. J'étais bien. Donc il avait ôté mon collier aux grosses perles vertes. J'étais à peu près nue, lui aussi. Il avait gardé son boxer et moi, juste un string. Cela me semblait étrange d'avoir la poitrine dévêtue, mais je voulais lui montrer combien ses caresses avaient été efficaces. Nous étions enlacés, je ne savais pas trop comment les choses allaient continuer. Allait-on se parler, se lancer dans l'histoire sans un mot, y aller au feeling, puiser dans nos souvenirs ce que... Je propose, tu disposes? Tu penses à quoi? Ce dont tu rêves? Ne me dis pas que ça a changé. Je prends mon air le plus innocent du monde et le regarde. Il poursuit, surpris. Ça a changé? Eh bien, fais la citation! Me lance-t-il d'un air enjoué. Je quitte ses bras. Alors, avec un maximum de douceur, je descends sous la couette. Je me retrouve à la hauteur de son ventre. Je lui retire le boxer prestement et l'envoie valdinguer hors du lit. Plus envie que ça traîne, et toi? M'entends-je dire. J'embouche son sexe. Je le suce, bon Dieu, comme si notre vie en dépendait. Il est loin dans ma gorge, profond. Ça n'a rien d'une petite pipe, de rien du tout. C'est quelque chose de très gourmand, de passionné, de fougueux. Et puis des coups de langue. Je lèche sa hampe sur toute sa longueur, de la base à l'extrémité. Je le sens frissonner, trembler de plaisir. Il a pris ma tête entre ses mains. Il la guide, la faisant aller et venir, loin, puis moins enfoncée, lentement. On dirait qu'il savoure chacune de ses intromissions. Parfois, il accélère le rythme, puis il le ralentit. « Waouh, mais tu gères !» dit. Mais que s'imaginait-il que j'étais une novice? Bien sûr, je n'ai jamais pris grand monde en bouche. Mes questions fellations, je sais que je me débrouille plutôt bien. Alors heureuse qu'il en profite autant, je redouble d'application. Ma bouche se serre autour de son membre, comme si je collais l'intérieur de mes joues à sa verge. Cela semble l'exciter davantage. Tu me laisses faire? Oui, je te lâche la tête, c'est ça? Je laisse ressortir son sexe totalement, le décalote, et passe ma langue très lentement sur son gland. Oh, ouch! Tu n'aimes pas? C'est simplement que d'habitude, elles ne font pas comme ça, mais si, continue, c'est dément ce truc. Je titille frein. Tu vas me faire venir. Je ne dis rien, mais oui, j'espère bien qu'il va venir. Ma langue passe et repasse, contourne, suce, mais à peine. Je le sens frissonner, je l'entends grogner. Ça me donne du plaisir entre les jambes. Au creux du ventre, ça remonte même jusqu'à mon cœur, endroit ultime où j'aime que le désir se niche. Là, je sais que je suis dans le bon, que mon partenaire va prendre son pied et que moi, même s'il ne me touche pas énormément, je vais jouir aussi. Je continue de jouer avec le frein, le prépuce, je sussote, je mouille de ma salive, fais passer son gland nu contre mes lèvres. Oh, je n'imaginais pas que tu étais aussi... cochonne ? Non, non. Experte plutôt. Ça, dans sa bouche, c'est un compliment. Ça me rappelle un jour où il avait goûté à la maison et où il m'avait dit que j'étais douée pour quelque chose que j'avais préparé. Sans doute n'a-t-il jamais eu affaire à quelqu'un de très amoureuse. Sans doute n'a-t-il jamais eu affaire à quelqu'un de mon âge. Ça a du bon parfois l'âge, en fait. Je sens que je viens. Je peux. Mais mon ami, moi aussi, je sens que tu viens. Je sens ton ventre se contracter, ton bassin onduler de manière de plus en plus langoureuse. Parfois, il accompagne complètement mes succions, parfois, il s'immobilise. Et je sais que c'est parce que tu savoures. Je suis certaine que je pourrais te donner encore plus. Mais comme j'ai envie de faire durer le plaisir, je n'en parlerai pas tout de suite. Mes lèvres quittent son sexe. Avec plaisir. Sentir son sperme qui coule en long jet dans ma bouche, comme si cela n'allait jamais s'arrêter.